Chapitre 46. Le retour des héros. C'est parti pour le grand stress de Fightson, et Totov 76. Fightson est rentré chez lui à Marseille, alors que Totov 76 a rejoint Saint-Martin de Bocherville. Le premier est en plein doute, il a tout quitté pour tenter son rêve. Devenir la nouvelle star du ballon rond, et surtout, vivre uniquement grâce au football. Les fins de mois commencent à être difficiles, principalement car il n'a pas encore reçu sa prime de participation au mondial par la FFF. Les joueurs de l'équipe de France sont retournés sur le sol français et Fightson est invité à participer à une grande fête pour célébrer le bon parcours des Bleus au Qatar, en Australie et sur Mars. Même si, au final, la victoire n'était pas au bout, les Français ont le droit d'être félicités. On retrouve alors les 15 autres acteurs de cette épopée sur les Champs-Élysées, unis avec les supporters français. Des scènes de fête, de liesse qui rappellent 1998. La France célèbre les héros bleus malgré leur défaite. C'est l'occasion de revoir nos géants bleus. Blanc-Bag, Benoît, Coca, Delpino 50, Dil 48, Éric Béhache, Grid 71, Killer Croche 23, Le Chapeau, Nabir 69. Moon Forever pour gagner 02, Ricky 3402, Wolf 75, Zumbida et bien sûr Fightson. Mais ce dernier n'est pas très rassuré. Il sait qu'une épée de Damoclès est au-dessus de sa tête. Les menaces téléphoniques continuent, accompagnées de messages insultants sur les réseaux sociaux. Le plus inquiétant, en plein milieu de la cérémonie, il reçoit un message « Tu n'as pas honte, traître, tu es pile poil dans mon viseur ». Ne prenant pas ses mots au sérieux, il décide de passer ceci au silence. Malgré cela, il est très inquiet. Une personne lui veut du mal? Il faut croire que oui. Fightson est tout de même heureux de retrouver ses coéquipiers. Il n'a pas fait partie des chanceux qui ont pu jouer sur Mars, mais il fait partie des 16 finalistes du Mondial 2050. Le film diffusé sur les écrans géants, il s'agit des plus belles images de cette aventure. C'est les larmes aux yeux que nos footballeurs visionnent tout cela. C'était inimaginable pour eux. L'histoire est sublime. Le film se conclut sur un message sur fond bleu, star des années 50. Magnifique hommage. Ce rite est terminé par le président de la République française qui décerne aux bleus la Légion d'honneur. Tout comme les Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou encore Didier Deschamps, la génération Mars 50 est considérée comme une équipe mythique. Le président de la FFF a une grande annonce à faire. À partir de 2051, la eSports Fédération va injecter des fonds pour créer un championnat de 6 franchises et celui-ci a élu pour domicile la France. Comme pressenti, l'Hexagone devient le centre de formation des titans asiatiques alors que les États-Unis restent la demeure de la fédération. La France va pouvoir revivre footballistiquement. Les joueurs reçoivent un par un la précieuse médaille. Les maillots portés par les Français lors de la finale sont offerts au chef d'État. Benoît, celui qui avait été pointé du doigt après la défaite en finale, est tout de même acclamé par la foule. Les Français ne lui en veulent pas. Mais quand vient le tour du sacre de Fightson, quelques sifflets se font entendre. Celui qui a éliminé le Qatar et a envoyé la France en demi-finale ne reçoit pas un hommage à la hauteur de son exploit. En larmes, il prend le micro et veut s'expliquer au public. Submergé par l'émotion, il peine à s'exprimer. Mais un silence de cathédrale se fait ressentir. Puis on entend un coup de feu. La foule se met au sol, certains courent, d'autres crient, c'est l'anarchie. Personne n'est blessé, mais la France apprend en direct que, au-delà des mots et des menaces, quelqu'un veut la mort de Fightson. La fête est totalement gâchée. Chapitre 47. Tout arrêter pour survivre. Que veut cette personne et pourquoi? Fightson n'a qu'une idée en tête, se cacher. Le président de la FFF lui a conseillé d'être discret, quitte à repartir dans l'anonymat. Le joueur doit alors quitter son rêve d'enfant pour ne pas mourir, tout simplement. Une décision horrible à prendre pour lui. L'homme qui est arrivé au Qatar en tant que footballeur amateur a terminé son aventure en étant le premier international français à être contacté par un championnat majeur asiatique. Accusé de tricherie, d'expulsion volontaire, il a su s'attirer les foudres des réseaux sociaux et des observateurs du football français. Mais qui lui en veut? Faitson pense à tout le monde. Un supporter français qui n'a pas digéré sa gifle, un futur concurrent en Japan Masters League voyant son arrivée comme menaçante. Tous les scénarios sont imaginés. Faitson doit décider s'il engage des poursuites judiciaires, mais il a peur des retombées. Sa seule échappatoire serait d'être sélectionné par aucune franchise, ce qui le forcerait, malgré lui, à retourner dans l'anonymat. C'est la solution la plus sage et conseillée par le président de la FFF. Le téléphone de Faitson sonne, sûrement une nouvelle menace. Mais il s'agit en fait de son ami Totov76 qui est aux nouvelles. Il a vu la scène sur France Télévisions 1 et a eu peur pour lui. Il en profite pour lui dire qu'il a officiellement été contacté par le King Club Uralkoli. Faitson s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle. Consultez son profil LinkedIn et le cadet de ses soucis. Et il faut dire que les franchises japonaises ont un peu peur d'engager Faitson, l'homme à problème. En surfant sur son compte, il découvre un message du recruteur du King Club Uralkoli. Dans celui-ci, il indique qu'il aurait bien voulu le recruter, mais que le KCU ne veut pas avoir d'ennuis et n'a pas un service de sécurité suffisant pour assurer sa survie. Si ce club pense ça, tous les autres peuvent le faire également. Le recruteur de United Kulubu a consulté le profil de Faitson, mais n'a laissé aucun message. Les jours passent et nous arrivons au dernier jour de recrutement. La cérémonie du draft de la Japan Masters League a lieu demain. 3 recrues seront annoncées dans chaque franchise, donc 24 élus. 10 autres seront convoqués en tant que free agents et pourraient être pris dans des franchises ne trouvant pas mieux. La soirée sera également l'occasion pour les franchises de tenter des échanges avec les concurrents pour, pourquoi pas, débaucher la perle du voisin. Dans 24 heures maximum, Faitson saura s'il fera partie de cette cérémonie. Une chose est sûre, on y retrouvera Totov 76. Chapitre 48, jour de draft. C'est le jour J, samedi 2 avril. Nous sommes en direct de Tokyo, où les grands patrons des 8 franchises se réunissent. Pendant que les joueurs sont en Amérique du Sud, on décide leur avenir à Tokyo. Ce soir, la grande star de l'équipe leader du championnat pourra aller faire ses valises et rejoindre une autre franchise. C'est la loi de la draft. Mais avant tout cela, ils vont devoir annoncer les recrues suite aux sessions des recrutements de free agents. On commence par l'United Kulubu, le club turc est bon dernier après 4 journées. On enchaîne avec le Finoza Valencia, qui n'a gagné qu'un match. Vient ensuite le tour de King Club Uralkoli, qui a gagné un match. Et, surprise générale, Totov 76 ne fait pas partie des rangs monégasques. Au classement de la Japan Masters League, nous avons 3 équipes à 2 victoires. La tournée sud-américaine est dominée par l'Exur Bianconeri et le Bayern Komundor qui ont gagné leurs 4 matchs. On reprend le fil des recrutements avec le KAAM City, ERNIC Spurs et les YNWA Reds. Les franchises françaises sont fières de présenter les nouvelles perles. Les YNWA Reds ont pu trouver les bons mots pour arracher Totov 76, une des sensations des sessions de recrutement. Faitson ne fait partie d'aucune franchise, mais il est dans le groupe des 10 free agents, en mode bouche-trou. Rien de folichon pour les échanges de joueurs. Tout le monde reste ferme et prudent. La saison ne fait que commencer, et ce n'est que la première des 3 drafts de l'année. Mais c'est la seule chose qui engage des joueurs sans contrat. Les autres cérémonies seront plus animées, car on ne sera là que pour les joueurs engagés dans une franchise. 2 équipes vont devoir aller pêcher des free agents, car leur effectif n'est pas plein. Le King Club Uralkoli va-t-il faire volte-face et aller piocher Faitson? Ou bien la franchise anglaise de YNWA Reds va-t-elle aligner les 2 Français, Faitson et Totov 76? C'est le suspense. Concernant la franchise monégasque, c'est niette. Ils ont décidé de prendre un autre Français, un autre héros du Mondial 2050, puisque le chapeau a également passé les détections. le seul espoir de Fightson se repose sur les épaules du patron des YNWA Reds. La franchise de Liverpool a une grande particularité. L'investisseur est un grand fan de feu Liverpool FC et a réuni un comité des plus grandes fortunes britanniques, alliés aux plus grands supporters historiques, pour acheter une franchise. Ils ne font pas le poids face aux géants Excure, Uralkoli ou encore KAM. Mais les You'll Never Walk Alone Reds ne sont pas ridicules. Les valeurs des Reds sont proches de ce qu'a pu dégager l'équipe de France au Qatar, en Australie et sur Mars. Vont-ils miser sur Fightson? Oui, le mal-aimé des Français rejoint Out of 76 dans les rangs liverpooliens. L'aventure continue pour un duo qui va pouvoir faire mal. Départ de l'aventure annoncé pour le 1er mai au Stade de France pour le début de la session européenne de la Japan Masters League. En attendant, ils pourront suivre les trois derniers matchs sud-américains des YNWA Reds contre le Bayern Comindor, solide co-leader, le King Club Uralkoli et Finoza Valencia, avant-dernier. Chapitre 49 Rendez-vous avec l'histoire. Fightson et Out of 76 ont passé le concours d'entrée et font partie des rangs d'une grande franchise ayant un profil assez unique. Il s'agit de l'une des dernières équipes à avoir l'âme club. L'histoire n'est pas reniée et les fonds d'investissement viennent à 50% des supporters de Liverpool FC. La franchise des YNWA Reds n'est pas la même entreprise que ses concurrents en Japan Masters League. C'est en partie pour cela qu'ils ont décidé de miser sur Fightson. Les autres avaient peur pour leur réputation et leur cotation en bourse. Fightson et Out of 76 sont invités, avec les deux autres recrues du draft, à visiter les installations britanniques des YNWA Reds. Dès leur arrivée, ils sont accueillis par une bande-son. Le chant des supporters liverpooliens, You'll Never Walk Alone. Les plus émouvants sont diffusés, notamment lors de ce Celtic Liverpool en 2003, ou encore lorsque près d'une centaine de milliers d'Australiens avaient accueilli les Reds au Melbourne Cricket Grounds en 2013. La chair de poule. Partout où les YNWA Reds se déplacent, ils sont reçus par des supporters venus des quatre coins du globe. C'est la force de cette franchise. Ils ont une cote énorme auprès des supporters. Pour preuve, lors du dernier match au Venezuela face à Unity Culubu, les Reds ont été applaudis par une bonne communauté locale de fans de Liverpool. La tournée européenne s'annonce énorme pour eux. Les quatre néo-Reds sont accueillis par un ancien joueur de Liverpool qui va faire la visite et présenter l'histoire de LFC puis des NYWA Reds. Ici, on n'oublie pas le passé, on s'inscrit dans l'histoire. Il présente ainsi le fondateur du club, John Haulding. Il regarde des images d'archives, notamment la victoire en Ligue des Champions 2005 face au Milan AC. Succès acquis au tir au but après avoir mené 3-0 à la mi-temps. On passe également des images un peu moins joyeuses. Les drames du Ezel et de Hillsborough. Sont également diffusées les images de l'hommage fait par Anfield Road pour le 25e anniversaire du drame d'Hillsborough, un certain 13 avril 2014. Les nouvelles recrues font la connaissance des représentations holographiques de Ian Callaghan, recordman des matchs joués avec Liverpool, Ian Rush, meilleur buteur de l'histoire des Reds, du légendaire Bill Shankly, mais également de joueurs tels que Ephraim Longworth, John Heath, Roger Hunt, Kevin Keegan, Alan Hansen ou encore Kenny Dalglish. Pas besoin d'hologrammes pour ces derniers invités. Steve McManaman, Robbie Fowler, Michael Owen, Jimmy Carragher et Steven Gerrard. Ils sont en chair et en os, présents pour l'arrivée des quatre nouveaux bijoux des NYWA Reds. Ils ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans, mais ils sont souhaités être là pour voir les nouvelles têtes de la franchise. C'est volontiers que les anciens discutent avec les nouveaux. Avec Fightson et Out of 76, on parle des Français ayant porté le maillot rouge. Nicolas Anelka, Bruno Chérou, Djibril Cissé, Ali Chisco, Bernard Diomed, Charlie Tange, Anthony Le Talec, David N'Gode, Mamadou Sakho, Florence Inama Pongol, pour ne citer qu'eux. Fightson et Out of 76 veulent marquer l'histoire des YNWA Reds, et tout cela débutera au Stade de France le 1er mai, dans moins d'un mois. Chapitre 50, bientôt l'Europe. Nous sommes samedi 16 avril, et se joue en Amérique du Sud la dernière journée de la phase sud-américaine de la Japan Masters League. Les YNWA Reds affrontent la Finosa Valencia. Au classement général, le Bayern Commodore est en tête avec 6 victoires en autant de matchs. Ils sont suivis de l'Exur Bianconeri, 5 succès. Le podium est complété par le KAM City avec 4 victoires. Les YNWA Reds sont quatrième avec 3 victoires, ex aequo avec le RNIC Spurs. La Finosa Valencia a 2 victoires, juste devant le King Club Uralkoli, 1 victoire, et l'Unalti Kulübü, qui n'a gagné aucun match. Il y a du suspense jusqu'au bout lors de cette première phase. Le leader Commodore jouera contre le RNIC Spurs afin d'assurer son leadership avant de s'envoler pour l'Europe. L'Exur pourrait profiter d'un faux pas pour occuper la tête du classement et écarter son adversaire du jour, le KAM City. Les deux derniers, l'Uralkoli et l'Unity, se confronteront alors que les NYWA Reds essaieront de se détacher du peloton du clan des trois succès. Le déroulement des matchs s'effectue ainsi. King Club Uralkoli contre Unity Kulübü à 8h, Finosa Valencia contre NYWA Reds à midi, Exur Bianconeri contre KAM City à 16h, et pour terminer, ERNIC Spurs contre Bayern Commodore à 20h. La journée du 16 avril 2050 risque d'être chargée et remplie de suspense. La première rencontre s'est terminée par un succès 4-0 des Monégasques d'Uralkoli à l'Estadio Delfonsores del Chaco d'Asunción, Paraguay. Ils enfoncent un peu plus les Turcs qui terminent la tournée sud-américaine avec un 0 pointé. Néanmoins, leur draft fut assez prometteur. La tournée européenne va sûrement être le début de leur ascension. Nous nous connectons à l'Estadio Nacional de Chile, à Santiago, où les YNWA Reds n'ont pas su arrêter les assauts de la Finosa Valencia durant la séance de tir au but américain. Le futur club de Fightson et Stotov 76 reste à 3 succès durant la tournée sud-américaine. Ils sont rejoints dans le lot à 3 victoires par leur bourreau du jour. Retrouvons le stade monumental Antonio Vespuccio Liberti à Buenos Aires, Argentine, où l'Exur Bianconi met une pression énorme à distance sur le Bayern Commodore. En effet, les Italiens ont battu très largement, 7-1, le KAM City, pourtant troisième de la phase. Pour obtenir le titre honorifique de champion de la phase 1, le Bayern Commodore doit battre le RNIC Spurs. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de champion officiel, puisque nous ne départageons pas les ex-aequo. Le stade Maracana de Rio de Janeiro nous a réservé une énorme surprise. Alors que le Bayern Commodore a bien saisi l'importance d'une victoire pour être champion de la première phase, ils n'ont pas été capables de convertir cette chance. Le RNIC Spurs a infligé la première défaite de la saison au Bayern, 3-2, avec 2 buts dans les dernières minutes. Pas de vainqueur dans cette première phase, mais ça nous promet une tournée européenne énorme. Le Bayern Commodore et l'Exur Bianconeri devront se défaire, car ils sont en tête du championnat avec 6 succès. Derrière eux, avec 4 victoires, l'RNIC Spurs et le KAM City peuvent espérer un faux pas des leaders. Avec 3 points, les YNWA Reds et la Finosa Valencia ne peuvent pas être distancés dans cette course et écarter les équipes visibles dans le rétroviseur. Ceux-ci sont le King Club Uralkoli, avec 2 points, et l'Unalti Kulübü, plus mauvaise équipe avec 0 victoire. Fightson et Totov 76 auront fort à faire pour porter les Reds au sommet.